Le plan de cette semaine à Assemblage requis. On parle du nouveau hippie de la Patère Rose. Émile Gauthier fait sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Je vous parle de l'émission pour enfants Yo Gabba Gabba. Et ça commence tout de suite. Tu vois, Stéphanie, j'en apprends à tous les jours. Je ne savais pas que les petits oiseaux pouvaient faire des toiles d'araignée. Moi non plus, mais il y en avait partout sur mon micro pourtant. Et il y a vraiment beaucoup d'animateurs à chaque fois. Donc, bienvenue à Assemblage requis. C'est l'émission estivale en pièces détachées. Et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Gagné. Et on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce jeudi 26 août 2010. Août. Si on veut penser à Kiwan un peu. Si on veut être outin. Outin, avec le nez en hâte, scotch tape. Ouais. Aujourd'hui, à l'émission Assemblage requis, on a plein de belles petites choses pour vous. Nos oiseaux vous ont régurgité du matériel de classe. De classe première. Yeah. On va avoir une chronique, c'est un fait, sur des faits inutiles à raconter, à tweeter, à facebooker, à partager. Quoi? Tel un ver de terre dans la bouche d'un oiseau. Vraiment appétissant. Ben, je sais. De mon côté, il va y avoir les spectacles, il va aussi avoir les sorties d'albums, entre autres La Patère Rose avec le maxi de 4 titres Waikiki. Il va aussi avoir mon plat favori. Et finalement, j'ai commencé ça cet été de vous dire des petites nouvelles de la semaine. Eh bien, cette semaine, j'en ai vraiment beaucoup des petites nouvelles. Oh! On va aussi avoir Émilie Gauthier avec la première partie de sa chronique sur les sacs de couchage. Vous savez qu'on est en plein milieu d'une série sur le camping. Le camping. Oui. Je dirais. Donc, on va voir ça. On va aussi avoir la chronique CNX. Et aujourd'hui, il n'y a pas de sujet. Donc, on appelle ça le POW! POW! POW! C'est plus tard dans ces 3 heures d'assemblage requis. On va être ensemble, donc, jusqu'à 18h le jeudi ou 19h le samedi. On commence l'émission avec un bloc musical qui fesse dans le bec. Ouais, c'est assez beaucoup de talent dans ce petit bloc-là. C'est un jeu de mots d'oiseau, t'avais su. Ouais, mais non, j'essaie de passer à autre chose. Excuse-moi. Oui, on va entendre Hot Hot Heat. Donc, mais on commence aussi avec The New Pornographers. Voici la pièce Your Hands, entre parenthèses, together. Ou vos pattes si vous êtes un oiseau. Pic, pic, pic, pic. Vous êtes à Assemblage requis. C'est fou, 89.1 FM. For the silver bullet, make me put your heads together. For the cause and cure, we're waiting. Break it through and past the center of the earth conflict. May the scientist and vandal continue the way. Put your hands together. For the silver bullet, make me. Maker, rising definite and shaking. Take your gift for accident, for granted and skin tight. Pull the strings that lift this thing you pushed with all your might. For the silver bullet falling, digging through and past the bullshit detector is turned off. So let's hope it even touch a test, don't even trigger a cough. Toujours Assemblage Requis avec Mathieu Plante et Stéphanie Gagné. On vient d'entendre Nobody's Accusing You de Hot Hot Heat. Chaud, chaud, chaleur. Chaud, chaud, chaleur. Et avant, c'était Your Hands, entre parenthèses, Together. Tes mains entre parenthèses ensemble? Non. De The New Pornographers. Les nouveaux pornographes. Ouais. Et j'ai plein de petites nouvelles cette semaine. La première est assez déprimante. Vraiment, mais bon, ça vaut la peine d'en parler. Un autre mort? Non. Oui. Ah. Oui, j'en ai deux aujourd'hui. Colin, Stéphanie. Vraiment déprimant. Alors, durant un concert de The Swell Season en Californie, il y a eu un suicide. Il y a quelqu'un qui un fan durant le spectacle. Il est grimpé sur le toit qui était près de la scène. Au troisième étage environ, il a couru sur le toit et il a sauté en bas du toit. Donc, oui, sur la scène. Il est atterri sur un haut-parleur, mort automatique. Aïe, aïe! Vraiment pas cool. Et le groupe The Swell Season, ils ont été assez un peu traumatisés. Ils ont décidé de payer pour 4 sessions de groupe de thérapie pour les gens qui étaient là au spectacle et qui seraient traumatisés par l'événement. Donc, c'est ouvert à tous. Tout le monde qui était au spectacle peut aller à une des 4 sessions. Ah, ça donne des frissons, ça! C'est vraiment pas cool, là! Mais non, en plus, Swell Season, c'est... En tout cas, c'est pas cool. Ouais. Donc, on va passer à une autre nouvelle un peu plus heureuse. Bon, tu connais Norah Jones. Ouais. On n'en parle pas vraiment ici parce que Norah Jones, tu sais, c'est plus... pas notre genre. C'est plus ou moins, ouais. C'est ça. Mais là, j'ai vu cette nouvelle-là. Elle va sortir un nouvel album le 2 novembre, mais c'est avec plein... C'est juste des collaborations et c'est avec des artistes vraiment quand même cool. Il y a Belle and Sebastian, il y a M. Ward de She and Him... Il y a Foo Fighters, il y a Ryan Adams et Outkast, entre autres. Donc, ça va être vraiment cool, je pense. On aura tout vu. Ouais. On aura tout vu. Norah Jones. On aura tout vu. C'est ça. Ah, j'aurais dû dire comme ça aurait été encore mieux. Oh là là. Ensuite de ça, il y a une nouvelle chanson de Brandon Flowers de The Killers qui est sortie, mais vraiment nulle comme titre. Ça s'appelle Swallow It. Avale-moi ça. C'est ça, c'est tellement vulgaire ouais. et in your face. J'aime pas trop ça, mais... Parlant de in your face, c'est ouais. joke de sexe. Bref, vous pouvez écouter la chanson sur somekindofawesome.com. Ensuite, aussi, The Tintins qui ont sorti une nouvelle chanson, la pièce Hands, sur le même site, somekindofawesome.com. Beaucoup moins catchy que ce qu'on était habitué d'entendre sur leur dernier album. Mais bon, je vais pas être déçu tout de suite. On va attendre l'album. Quand même. Je trouve que tu fais des idées pas mal vite. Hein. Ouais, un peu. Ensuite de ça, le porte-parole Vincent Vallière du Festival international de la chanson de Granby a annoncé les 24 demi-finalistes qui vont se produire du 8 au 11 septembre au Palace de Granby. Alors, vous pouvez aller voir ça sur le net. Et aussi, j'ai parlé de Weezer récemment, dans les dernières semaines, de leur prochain album. Il s'intitule Hurley. On avait parlé que c'était inspiré du personnage de Lost. Et qu'il avait mis la face de Hurley directement sur ouais, leur pochette. Mais finalement, non. Ça vient même pas de là. Ils ont été financés par la compagnie de vêtements de surf, là, Hurley, pendant la production de l'album. OK. Donc, c'est pour ça qu'ils ont appelé l'album Hurley. Mais la pochette va quand même avoir Hurley oui. dessus. Oui. Ah! La pochette va quand même avoir Hurley dessus, mais c'est un peu décevant de voir que un groupe qui change d'étiquette pour une étiquette indépendante a quand même une mentalité très commerciale encore. C'est vendu un peu, ça. Très. Ouais. Hey, t'appelles ton album Hurley parce que Hurley t'a donné de l'argent. C'est ça. C'est vraiment triste. C'est comme, tu sais, mettons, t'appelais ton album, tu sais, Banana Republic. C'est plus une banane dessus, tu sais. Ouais, ça, c'est ça. Ça parle quand même de moi. C'est pas cool. Là. Non. Très bonne nouvelle, Matt & Kim, leur troisième album, ils ont décidé un titre et une date de sortie. Ça va s'intituler Sidewalks et ça va sortir le 2 novembre. C'est loin, mais. Il y a un mais. Leur premier single, Cameras, va sortir le 31 août, la semaine prochaine. Donc, très bientôt. Très cool. J'ai hâte de vous en parler la semaine prochaine du single. Super. Sûrement vous le faire écouter. Et dernière nouvelle, MGMT a sorti un nouveau clip, encore une fois, sur somekindofawesome.com. C'est le clip de la pièce Congratulations. Congratulations, oui. Le clip est vraiment pas cool. Moi, je l'aime vraiment pas. Ils se promènent dans le désert avec un genre d'oiseau bizarre qui a pas de poils, qui a rien, là. Un oiseau nu. Puis c'est vraiment déprimant comme clip aussi. L'oiseau perd des morceaux à force qu'il avance. Non, c'est pas le fun. Mais bon, on va quand même aller écouter la pièce sans regarder le clip parce que... On est à la radio, on le rappelle. Ouais. Mm-hmm. Il y en a qui l'oublient. Et la chanson est meilleure que le clip. Congratulations de MGMT à Assemblage Rookie. C'est pas nos petits oiseaux de l'intro de l'émission qui perdent des morceaux toujours? Non, on les veut. Il nous reste encore une émission quand même. Avec les oiseaux? Ouais. Après ça, on les mange. Not a paid vacation. The sons and daughters, the city officials attend demonstration. It's hardly a sink or swim when all is well if the ticket sells. Oh, MGMT en direct de nos studios. Non, pas du tout. Ils n'étaient pas ici. Non, ils sont pas ici. Non. Bon, on les félicite quand même. Ouais. On les applaudit quand même. Et voilà. Ouais. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, c'est l'émission estivale en pièces détachées pour encore 2 semaines. Hein, on l'a-tu dit tantôt? 2 semaines? Il nous en reste juste 2. Celle-là ouais. Et une autre. Celle-là et la semaine prochaine qui va être la finale. Non! Oh! Ça va être triste! Il y a du changement qui s'en vient après ça, donc on vous en parlera en grand détail, incessamment, éventuellement. Parce ouais. que, tu sais, on veut savourer l'été à la place de juste vous parler de ce qui s'en vient de cet automne. T'sais. Exactement. Ça serait un petit peu poche pour toi de dire, tu sais, tout ce qui se passe autour de ça. Hein? Non, on va attendre. Ça diminuerait ta finale! Mais là, ça fait comme trop de suspense, on va arrêter des écœurer avec ça. Ben, le monde aime ça, le suspense, ça garde des films à suspense tout le temps. En tout cas. Alors, on va entendre une pièce de You Say Party, et puis on va après ça revenir. Avec du oui. contenu, les chroniques, et on va parler de Scott Pilgrim plus tard. Donc, cool! On va même écouter des pièces de la trame sonore. Malade! Mais pour l'instant, You Say Party, voici There Is Love Within My Heart. 89 FM, c'est fou! When the morning comes and I don't wanna face the daylight. When the morning comes and I can't make my body rise. When the morning comes and the darkness presses on all sides. When the morning comes I have to fight. My share of tears and There's love within my heart, the You Say Party. Sans le We Say Die maintenant. On dit plus, c'est trop lugubre. Ouais. Avec ce qui s'est passé. Mm-hmm. Si vous n'êtes pas au courant, on n'en parlera pas éternellement pour le reste de l'éternité, là. Hein? Non, on en parle là, comme toutes les émissions. Quelqu'un qui est mort dans le groupe. Bon, c'est dit. C'est dit. On veut pas être trop déprimant, on n'arrête pas de parler de mort aujourd'hui, ça fait pas mon affaire du tout. Ça me tente, on va se remettre de bonne humeur, ok? Ça te tente-tu? Let's go. Let's go. Scorpion versus the World, c'est un peu comme ça que le film commence en tant que tel au cinéma, avec une séquence d'ouverture absolument malade. Donc pourquoi est-ce que je fais jouer ça? Ben, c'est parce que je suis allé le voir. Oh, t'es tellement chanceux! Ben oui, sauf que je l'ai vu en français. Faut dire, dès le départ, c'est peut-être pas la meilleure affaire à faire pour un film, je trouve. Mais t'as trouvé ça comment, même si c'est en français? Ben, même, parlons juste du fait que le film en tant que tel doublé en français, c'est un des meilleurs doublages que moi j'ai vu personnellement. Je trouve que le doublage est très, très, très fidèle. Est-ce que c'est très français de France ou il parle normal? Ouais, c'est pas mal international. Donc oui, ça okay. Penche vers un petit peu le français, là. Sophistiqué, là. Bon. D'accord. Bref, c'est basé sur les bandes dessinées de Brian Lee O'Malley. Je dois vous dire dès le départ que j'ai lu seulement les deux premiers livres. Je suis dans la série, j'avance tranquillement pas vite. Je me prends comme pour un newbie de Scott Pilgrim, donc je commence par le début. Je me gave des bandes dessinées et du film et de la trame sonore sans cesse. J'arrête pas. J'arrête juste pas. Mais c'est ça. Donc le film est vraiment très, très calqué sur la bande dessinée. Je dirais que dans les deux premiers volumes que j'ai lus, un gros pourcentage du film, je l'avais vu dans ces deux livres-là. Okay. Donc, le deuxième livre qui s'appelle lui-même Scott Pilgrim versus the World. Donc, on peut s'entendre que c'est pas mal basé sur les deux premiers. Ouais. Bon. Bref, la plupart des phrases qu'on reconnaît, des scènes qui sont recréées de façon absolument fidèle, la cuisine, les expressions faciales, les acteurs ressemblent vraiment aux personnages des bandes dessinées. Mais si on arrête de comparer, parce que la plupart des gens vont aller voir le film pour le film, hein? Ouais, ils vont pas lire les livres, non. Du tout. Malheureusement, c'est vraiment, vraiment dommage, là. Je vous conseille de vous les procurer, même s'ils sont relativement chers. Ben, comme moi, honnêtement, je vais pas m'acheter les livres. Non. Non, mais est-ce que tu les lirais si je te passais les livres? Peut-être. Parce que j'aime les livres. OK. Bon. Bref! OK, j'avoue que les paroles en arrière, c'est peut-être pas la meilleure façon de parler par-dessus. Bon. Donc, le film en tant que tel, lui-même, c'est un hommage à tout ce qui est geek. On a comparé un peu comme... Je disais dans une critique à un moment donné que c'est comme Indiana Jones qui prenait toutes les affaires que les gens aimaient à cette époque-là. Ben là, maintenant, les gens aiment les affaires qui parlent en Scott Pilgrim. C'est vraiment comme un hommage à notre génération, à nous, là. C'est nos vraiment... âges. Vraiment très, très cool. Tout ce qui est geek, tout ce qui est nerd, les graphiques qui apparaissent à l'écran comme dans les jeux vidéo. Juste l'intro du film en tant que tel, le logo de Universal recréé en 8 bits. Là. C'est vraiment fantastique avec la petite musique de Zelda qui joue tout le temps. Puis quand il se pratique sur sa guitare, il a trouvé une façon de jouer Final Fantasy 2, genre, sur sa guitare Scott à un moment donné. Donc toutes ces références-là à des jeux vidéo qui vont passer par-dessus la tête de bien des gens. Moi, je suis sûr que le film va plaire à un grand public qui va prendre le temps de le regarder. Mais je trouve, par exemple, comme je dis depuis toujours, que je trouve ça bizarre le gros marketing qui est autour de ça, parce que c'est clairement pas un film pour tout le monde, vraiment pas. Si t'amènes ta blonde là, à moins que tu saches que ta blonde aime ce genre là, pas mal sûr qu'elle aimera pas ça. T'sais. Le monde qui vont là parce qu'il y a Anna Kendrick de Twilight, là, ouais. Ils aimeront pas ça. Les gens qui vont là parce que Michael Cera est dedans, juste pour ça, ils aimeront peut-être pas ça. T'sais. Hey, moi je vais juste parce que Michael Cera dedans. Ben, j'espère que tu vas aimer les références parce que sinon, en tant que film d'amour, mettons, que petite aventure amoureuse, ça peut passer. T'sais. Je pense que juste pour les faces de Michael Cera dans le film, je suis sûr que ça va valoir la peine. Ben, ça amène le point que Michael Cera joue vraiment un rôle qui est pas. Qui fait pas d'habitude. T'sais, d'habitude, on est habitué de le voir super awkward, là, inconfortable, qui marmonne un petit peu. T'sais. Dans ce cas-ci, il a confiance en lui, il se bat contre des gars, là, il a l'affaire pour se battre, là, c'est vraiment cool. Donc, l'histoire, si vous connaissez pas, c'est Michael Cera, donc Scott Pilgrim, qui a une copine jeune. Hein? Puis là, la fille est en amour avec lui. Bon. Lui, ben, il rencontre une fille qui s'appelle Ramona Flowers et puis il la voit dans ses rêves. En tout cas, il y a comme une grosse histoire par rapport à son à l'intérieur de sa tête et à ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, il la rencontre et puis là, ben, il tombe en amour avec et puis il doit combattre ses sept ex-maléfiques un après l'autre pendant le film. C'est un peu la base du film. Et puis c'est ça, les séquences d'action sont super bonnes. J'ai lu à quelques critiques qui disaient que c'était trop long, les séquences d'action de bataille. Personnellement, non, ça a passé super vite. Le film en tout dure genre 1h52. Là. Ça a l'air super long. Ouais, c'est pas si pire, mais quand même. Ça peut faire peur à des gens qui sont habitués à des films d'une heure et quart, une heure et demie. Ah, oh, c'est bien, c'est pas assez, ça. Non, les films qui jouent à TV quand ils coupent plein de scènes. Là, ouais. Bref, non, c'est relativement long, mais non, quand t'es dans la salle, ça, il se passe tellement d'action, ça va baraboum, barabing, gauche à droite, ça arrête jamais. Tu sais, c'est soit c'est drôle, soit c'est de l'action, soit c'est tu te sens mal pour plein de choses qui arrivent. Parce que, oh, c'est des petits bouts tristes. Oh. Des petites émotions. Non, j'ai vraiment, vraiment adoré ça. C'est visuellement absolument fantastique. C'est vraiment, ça va, je pense, devenir un classique, genre culte. Tu sais comment on dit? Culte geek. Culte. Voilà, culte geek, oui. Même si pour l'instant, tu sais, au cinéma, ça pogne pas tant que ça. C'est vraiment pas le film le plus qui fait le plus d'argent en ce moment. Mais une fois que le DVD va sortir, moi, tu sais, personnellement, en sortant du cinéma, s'il y avait eu un Blu-ray, genre, ou un DVD, ou peu importe qu'est-ce que tu veux m'offrir, je l'aurais acheté de là, t'sais. N'importe quoi, un poster, Michael Cera Une poupée de Michael Cera. C'est ça que je voulais dire. J'aurais pris n'importe quoi. C'est pour ça, juste quand la bande-annonce est sortie, les plusieurs bandes-annonces et puis les petits vidéoclips que je t'avais montrés sur iTunes. Ouais. Quand j'ai vu ça, je savais que c'était pour moi. Vous savez sûrement que c'est pour vous si vous avez vu ces bandes-annonces-là, si c'est pour vous. Hein. Et puis directement, là, je me suis procuré les bandes dessinées puis le CD. Ça valait même pas la peine d'attendre. Je savais que j'allais adorer ça et j'ai très bien misé là-dessus. Voilà, cool. Donc je recommande les bandes dessinées et le film. Il est coté présentement 69 sur 100 par les critiques lorsque rassemblés ensemble. Donc les critiques sont pas convaincus, mais les gens de la communauté, eux, ont donné jusqu'à maintenant 86. Donc la communauté qui aime ce genre de film-là va l'adorer. Si vous aimez pas ce genre-là, vous aimez pas, c'est sûr. C'est compliqué à faire aimer à des gens qui aiment pas les jeux vidéo, puis le rock, puis je sais pas, il y a des affaires, il y a plein d'affaires là-dedans. Juste pour la musique aussi. Ben c'est ça, c'est un autre point. J'en ai pas parlé parce que, bon, à un moment donné, j'oublie des affaires. Mais non, la musique est Beck, très, très bonne. Beck, tout à fait. Est-ce que je peux nommer d'autres artistes? Est-ce Vas-y. Que j'ai dit ici? Pourquoi donc pas? Sur la trame sonore, on retrouve plein, plein de bonnes choses. Il y a donc, tu disais Metric, Broken Social Scene, les Rolling Stones, Beck, Black Lips, Plumtree, qui sont ceux qui ont inspiré le nom de Scott Pilgrim. C'était à la base un nom de chanson de Plumtree, donc elle est sur l'album. Il y a plusieurs pièces de Sex Bob-omb aussi, qui est le groupe de Michael Cera et sa gang, Kim Payne et les autres. Il y a aussi des pièces de Crash and the Boys, qui est le groupe qu'ils affrontent dans le film. Donc ça, c'est vraiment cool, juste la trame sonore. Oh, j'ai hâte de voir ça. C'est super. Voilà, donc on va écouter quelques petites pièces, pourquoi donc pas. On va aller entendre Black Sheep, une pièce de Metric. Cool. Oui, et puis après ça, on va entendre la seule pièce 8 bits sur la trame sonore du film. Parce qu'il y a aussi une trame sonore pour le jeu vidéo. Parce que, tu sais, j'ai parlé des bandes dessinées, j'ai parlé du film, j'ai pas parlé partout de la musique qu'il y avait dedans quasiment, puis du jeu vidéo qui est sur PS3 et Xbox 360. Mais donc, voilà, il y a une trame sonore pour le jeu vidéo qui est aussi disponible sur Internet, sur iTunes entre autres. Mais on va entendre la pièce qui est sur la trame sonore du film. C'est Threshold. Donc, pour l'instant, voici Metric avec Black Sheep à Assemblage Requis sur C'est Fou 89.1 FM. Vous écoutez Assemblage Requis. Tyler Barden avec Threshold 8-bit, c'est sur la trame sonore de Scott Pilgrim versus The World Original Motion Picture Soundtrack. Ça en fait beaucoup à retenir avec tout ce qu'on a dit tantôt. Il y avait le CD, le jeu, le film, la série de romans illustrés. Les seuls gens qui appellent ça des romans illustrés, c'est les gens qui veulent que ça ait l'air cool. T'sais. Qui veulent pas dire qu'ils lisent des bandes dessinées. C'est ça. Mais même les lecteurs de romans illustrés, ceux qui en lisent, ils appellent pas ça des romans illustrés. En tout cas. Bref, vous êtes toujours à Assemblage Requis, c'est l'émission estivale en pièces détachées. Je vous apprendrai rien en vous disant ça, hein? Hein? Hein? Rendu là. Rendu là, à un moment donné, là, à une semaine et plus de la fin de cette saison. On se déprime nous-mêmes, on parle de mort, on parle de la fin de l'émission pour l'été. La mort, c'est pas fini, mais on va essayer de s'en débarrasser en donne la première heure. T'as encore des morts? Oui! On va avoir l'air d'une émission de décès. De ouais. Décès. On peut faire une petite chronique nécrologie si tu veux. Après ça, on pourrait annoncer le menu au snack bar du coin. Bref, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On joue de? Non, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est le temps de mon plat favori. Je me rappelais pas pantoute que c'était rendu ton plat favori, tu vois? Pantoute, c'est le professionnalisme ici. Donc, ton plat favori avec Stéphanie Gagné. Ben oui, c'est pour ça qu'on entend la chanson, c'est la chronique de ton plat favori. On n'a pas d'ordre où mettre ta chronique dans l'émission. Non, on fait ça un peu n'importe quand. Ben comme tout le reste, hein? Ouais, un peu comme tout le reste. Ouais. Bon, j'ai dit qu'on allait se débarrasser des trucs morbides tout de suite, alors... et voilà. Et bon, voilà. Ben c'est fait, merci Stéphanie. Non mais cette semaine, dans mon plat favori, c'était super déprimant justement, ça parle de mort. Mais là, j'ai décidé de rajouter quelque chose de super heureux après, fait que... Tu vas voir, il y a de l'espoir. Ouais. Alors, très triste. Dans le fond, c'est une nouvelle que j'ai transformée dans mon plat favori. C'est le chanteur de Où est le swimming pool, Charles Haddon, qui est mort. C'est un groupe, un très jeune groupe qui a commencé à être populaire l'année passée. Et il devait avoir un premier album qui sortait en octobre. Christ Died for Our Sins. Comme synthétiseur. Hein? Oui! Aïe, aïe! C'est malade comme titre. Mais bon, ça semble être un suicide. Il est monté sur une tour de télécommunication derrière la scène de leur spectacle le 20 août en Belgique au Pukkel Pop Festival. Et il a sauté en bas de la tour. Okay. C'est vraiment nul, hein? Mais c'est ça, c'est vraiment très déprimant. Mais j'ai découvert en même temps que la nouvelle, la chanson... de Où est le swimming pool qui a été le plus populaire l'année passée. Et la toune est vraiment bonne. Ça fait tellement années 80, tu vas entendre la chanson puis tu vas dire « C'est tellement Steph! » C'est vraiment moi, ouais. Là. D'accord. C'est très heavy, ça. C'est ouais, vraiment ça. Cool. C'est Où est le swimming pool? Oui, c'est vraiment cool. Nom anglais, français. Ouais, c'est un groupe britannique. Où est le swimming pool? Et la pièce, c'est Dance the Way I Feel. Comment tu penses qu'ils disent en anglais? Où est le swimming pool? Où est le? Où est le swimming pool? Oh. C'est comme quand tu dis chipotle. Chipotle. Chipotle. Comment tu dis ça? Chipotle. Chipotle. Ça, c'est net. Bref, vous écoutez la chronique, ton plat favori, Assemblage Rocky. Des fans. Vous écoutez ton plat favori et ouais, quand le DG t'appelle pour dire c'est quoi le nom de la pièce, mm-hmm. c'est parce que tu sais que t'as fait un bon choix dans ton plat favori. Oh oui. C'était Où est le swimming pool avec Dance the Way I Feel et c'est fini les nouvelles morbides maintenant. Plus de mort. Non, plus de mort pour tout le reste de l'émission. Wow. Et là, j'ai une nouvelle un peu plus joyeuse pour faire la balance de mon plat favori. On avait parlé de l'émission pour enfants Yo Gabba Gabba. Oui, il y avait eu Hot Hot Heat en performance oui, musicale. Moi. Exactement. Je pense que c'était un de tes plats favoris, à vrai dire. Oui. Comme d'habitude, je te vole tes plats favoris. C'est pas nouveau. Évidemment. Et c'est ça. Et c'est une émission pour enfants qui a souvent des invités du monde indie, ce qui amène des fans, pas juste les enfants, mais aussi adolescents et adultes. Et ils vont sortir un album Music is Awesome, volume 2, avec Jimmy Eat World, Weezer, Hot Hot Heat, The Ting Tings, entre autres. Et il y a une chanson de Weezer aussi qui est parue dans l'émission en mars dernier au sujet des insectes. Ça s'appelle « All My Friends Are Insects » et c'est vraiment cool. Ouais. C'est vraiment joyeux comme chanson. Et aussi, « Yo Gabba Gabba » va être à la salle Wilfrid Pelletier le 5 septembre prochain. L'émission va être à la salle Wilfrid. Les personnages. Oh, là, ouais, c'est dommage cool. C'est comme dîner sur glace. Mais ouais, c'est ça. Genre, pas sur glace, pas sur glace. Fait que c'est ça, je vais faire écouter la pièce All My Friends Are Insects de Weezer. Elle est pas trop longue, 1:20 je crois, alors c'est ça, un petit peu de joie. I have a friend and it's an earthworm. J'ai un ami, puis c'est un papillon. J'ai un ami, puis c'est un... Ouais, c'est drôle. Une sauterelle. Ouais, c'est cute. Très cute. C'est très cute. J'aime très cute. Ça. J'aime ça. C'est ça. C'est ça. C'était mon plat favori. C'était mon plat favori. Plus un petit peu plus joué. Ah! Non, c'était pas ton plat favori. Cette c'était fois-ci, bien. C'est le tien, Caroline. Hein? Bon, est-ce que t'as un plat favori, Mathieu? Oui, c'est Yoga Bagaba. Non. C'est une blague, j'aime ça. Hey! OK, non, mon coup de cœur cette semaine, moi, c'est mon dessert. Comme toujours. C'est un gars, un développeur de logiciels sur Mac. Vous savez probablement, mettons un petit peu de contexte dans la chose, on a appris récemment que même des jeux vraiment pas chers sur le Apple Store se font craquer. Donc apparemment, des jeux comme par exemple, mettons, Aquaglobs HD et Stardunk, apparemment qu'il y a 50 et 38% des copies qui sont des copies pirates de ces logiciels-là. Puis ça coûte juste 2$, là. Je comprends pas pourquoi les gens vont craquer ça. En tout cas, bref, le développeur Mac Dmitry Chistmik de chez Coding Robots a récemment trouvé un crack sur The Pirate Bay, qui est un site de torrent, donc pour son application Mac Mémoire. Donc, il fait une application pour faire un journal intime sur son ordinateur. OK. Bref. Il y avait un crack sur The Pirate Bay. Il a décidé d'être contre ça, mais pas pour les raisons qu'on pourrait penser. Donc, il a téléchargé le crack pour voir comment il fonctionnait. Et puis, il a écrit à The Pirate Bay un courriel qui disait « Notice of ridiculous activity », donc « Attention aux activités ridicules ». Et voici ce qu'il a écrit. Et je cite. J'ai vu que ce crack était complètement ridicule. Non seulement est-ce que ça demande d'installer un plugin, mais en plus, il faut générer des key files en utilisant un fichier, un outil épeurant. Ça contient un programme Windows, alors que son logiciel, lui, est sur Mac. Donc, un logiciel Windows pour vérifier la validité du crack. La section How to est complètement incompréhensible. Sera comprise par personne d'autre que la personne qui a écrit la description. Pour terminer, le cracker Minamoto est paresseux. Il ne sait pas comment craquer des logiciels. Tout ce qu'il faut pour hacker mon logiciel est de changer un seul petit paramètre dans un truc. Donc, ça ne demande pas d'outils en tant que tel. Donc, je demande de ne pas enlever ce crack de votre site. Simplement le laisser là pour montrer aux gens comment ce gars-là sait pas faire. C'est très drôle. Et ensuite de ça, pour terminer, Social Network, tu te rappelles du film sur Facebook? Oui, oui. Oui, qui s'en vient. On dit sur le site urlesque.com que la musique de la bande-annonce peut rendre pas mal n'importe quoi épeurant. Et pour nous le prouver, il y a un petit vidéo qu'ils ont posté où on voit un paquet de vidéos drôles, mais avec la trame sonore de Social Network. Des vidéos célèbres sur YouTube, donc on peut voir entre autres un petit hamster en train de manger ou de jouer avec quelque chose. La vidéo Never Gonna Give You Up. Là. Gonna Give You Up. Oui. Le gars qui fait les centaines de différentes danses. Là. Cette vidéo célèbre. Il y a la fille qui se plante sur un deck. Mais tout ça avec cette belle musique. Ah, il y a même notre ami Ghislain Raza, tu sais, le gars, le Star Wars Kid. C'est le gars de Trois-Rivières, ça. Ouais. J'ai le goût de pleurer, là, avec cette musique-là. Ouais. Là, Pour ceux qui se le demandent, c'est une pièce de Radiohead, de Creep, mais reprise par The Skylark Choir. Donc, si vous voulez chercher un peu. Très bonne pièce. Très triste. Oh. Et voilà, donc c'était mon dessert à moi, dans ton plat favori. Cool! Cool! On retourne en musique à Assemblage Rocky, l'émission estivale en pièces détachées, l'émission qui n'arrête pas. Non! De vous faire pleurer. Mais plus maintenant parce qu'on parle plus de mort. Non, là j'aurais, ça suffit là. J'aurais dû mettre cette pièce-là tantôt quand tu parlais des morts. Ouais. Assez déprimant. Moins déprimant du que Zabian. On aime ça que Zabian. Oui. C'est fou, 89 ans. Les transitions dans ces missions-là, hein, c'est comme de l'eau. The Love Go to Kazabian. Oui, c'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. Tout à l'heure, dans le restant de l'émission, comme on l'appelle, restant comme un restant de muffin bio. Ouais, c'est la fin aussi de mon muffin bio. Dur à avaler, hein? Et plus jamais de muffin bio. Bon. Plus jamais. Donc, il va y avoir Émilie Gauthier avec sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? C'est la suite de sa série sur le camping. Oui, on va parler cette semaine, donc, de quoi déjà? Ah oui, le sac de couchage. Cool! Oui, cool! C'est dans la deuxième heure d'Assemblage Requis, alors restez là. Quoi d'autre aussi? Spectacle. Album. Album. Voyelle. Consonne. Voyelle. Consonne. Restez là pour les deux prochaines heures d'Assemblage Requis. Ça va rester comme ça pendant tout le long, je pense. Ça va être n'importe quoi. C'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est comme arroser son asphalte. 89. Retour à Assemblage Requis, l'émission qui est pas mal comme faire laver son entrée de cours par Samy Noun. C'est fou, c'est comme arroser votre... Ouais. C'est comme arroser votre minoune. De retour à la deuxième heure d'Assemblage Requis. Tout à l'heure, il va y avoir la chronique plein air avec Émilie Gauthier, mais pour l'instant... On commence avec du Arcade Fire. Je me suis procuré l'album aujourd'hui, alors on en profite un peu. On va aller écouter la pièce Month of May de leur tout dernier album, The Suburbs. Dans Assemblage Requis. We'll be right back.

comme du rock psychédélique, mais ils ont ajouté du piano dans Echoes. C'est super bon. Habituellement, il y a beaucoup de piano dans leurs chansons. Et moi, j'adore les groupes rock qui rajoutent du piano, comme Jack's Mannequin qui fait ça. Mm-hmm. Ils mettent beaucoup de piano dans leurs chansons. Mais malheureusement, on n'entend plus beaucoup de piano après la pièce Echoes. À mesure qu'on écoute l'album, ça diminue un peu. Et par contre, ce que j'ai aimé, c'est les harmonies de voix dans les différentes chansons. C'est super bon. Mais la meilleure pièce, c'est vraiment Echoes. C'est la première. Après ça, ça va un peu en descendant. Mais bon, il faut quand même écouter ça. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi. On ne sait jamais. Peut-être que vous mettrez cette musique avec du piano dans votre panier, comme ça vous pourrez dire. Piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier. Wow, quand même quatre fois. Piano, panier, piano. Bref, ensuite, je vous avais parlé que La Pâte à Rose sortait un maxi de quatre titres qui s'appelle Waikiki. C'est vraiment différent de ce qu'on connaît de La Pâte à Rose. C'est beaucoup moins excité et fou. C'est un peu plus tranquille. C'est très hawaïen, c'est très été, c'est vraiment cool. Il y a même une version de Décapote qui était sur leur album, mais Country Beach. Country Beach. Ouais, c'est vraiment spécial. En dehors de ça, il y a trois autres pièces. Il y a Chocolove, il y a Waikiki et il y a Petit Ours. Ils ont rajouté il y a beaucoup moins de synthétiseurs. Ils ont rajouté ukulélé, banjo, un piano jouet. C'est vraiment drôle. C'est vraiment, c'est très, très différent. Il y a Petit Ours et Waikiki, que c'est vraiment très hawaïen comme chanson. C'est vraiment drôle. Moi, j'ai pas autant trippé que leur dernier album, mais quand même, ça fait l'affaire en attendant le prochain album. C'est quand même un 3 étoiles et demi dans le voir. Et ça fait du bien. Ça va faire durer l'été un petit peu plus longtemps. La cote du voir, 3,5, la tienne, pas encore. Non, moi, je suis pas capable de donner des notes sur, admettons, dire 4 étoiles sur 5. Non, moi, je suis pas capable. J'aime pas ça, moi. Ça dépend de comment que je me sens. Mm-hmm. Peut-être que demain, je vais trouver, je vais avoir une cote différente. Fait que je veux pas que le monde pense que c'est 3,5 puis ça reste là pour toujours. Ouais. Non, non, ça change. Je peux écouter un album l'année prochaine que j'avais détesté, comme peut-être que l'année prochaine, je vais écouter Crystal Castles puis je vais aimer ça. Non. J'espère que non, mais on sait jamais. T'espères ne pas aimer des choses, sinon ben plate. Mais bon, on va vous faire écouter une pièce de cet album-là, de La Pâte à Rose. Je vais vous faire écouter Chocolove. Juste par le titre, là, vous pouvez pas l'aimer. Oh. C'est trop cute. êtes toujours à Assemblage Ricky avec Stéphanie et Mathieu. On vient d'entendre Chocolove de la Patère Rose. J'espère que vous avez aimé parce que moi, je l'ai bien aimé, la chanson. Ah, moi aussi, j'adore ça. Très. C'est très cute. Ça fait changement, je trouve. Oui, c'est vrai que ça fait changement de la folie du premier album. Ouais. Et aussi du fait qu'on entend tout le temps les pièces de leur album assez fou. Oui, c'est ça. On a pas mal passé tout l'album assez fou. Ouais. Fait que ça fait du bien d'avoir des nouvelles pièces de la Patère Rose qu'on n'a pas déjà entendues un million de fois. Et voilà. Oui. Ensuite, troisième album et dernier de la semaine, il y a Rara Riot qui sort The Orchard. Ça a été mixé par Chris Walla qui a fait quoi? Dead Cab. Ça? Non? Oui, ça? Il est dans Death Cab for Cutie. Il a travaillé avec Tegan and Sarah aussi, oh, oui, entre autres. C'est vrai. Ouais. Et pas seulement mixé par Chris Walla, mais aussi Rossman, Batman Lee. Batman est là-dedans? Non, ah. C'est un monde de Vampire Weekend. Bref, c'est super différent du dernier album de Rumline qui était très fort et très in your face, qui était fait pour danser, pendant que celui-là, il est beaucoup plus... patient, il est très calme et intellectuel. Il y a toujours beaucoup de violon et de violoncelle. Et c'est super chic et sophistiqué. Par exemple, dans la première pièce, The Orchard, super confiant et mature, contrairement au dernier album. La deuxième pièce, The Boy, ressemble un peu plus à du Vampire Weekend, mais tamisé quand même, pas vraiment Vampire Weekend à fond la caisse. Il y a aussi deux autres pièces qui ont vraiment accroché. C'est Too Dramatic et Shadow Casting, que j'ai adoré. Et j'adore la voix du chanteur Wes Mars. Ça fait vraiment penser à Morrissey à l'époque. Ah. Vraiment une voix semblable qui fait ressentir autant d'émotions que Morrissey. Et je vais vous faire écouter justement The Boy, la chanson qui ressemble un peu à Vampire Weekend. Ça devrait peut-être me plaire, ça. Peut-être, j'espère. Espérons-le. Alors, on écoute Rara Riot avec The Boy. Ah, son âge requis. I C'était The Boy de Rara Riot dans les albums de la semaine. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous allez faire comme moi et aller acheter le nouvel album The Orchard. Il faut pas oublier la pâte à rose aussi. Mm-hmm. Moi, tu m'as convaincu pour les deux. Fait. Pour vrai? Oui. Cool. Ben oui, sûrement la même chose pour les auditeurs. Hein? Parce ça que je suis, je représente tellement fièrement les, les auditeurs d'Assemblage Requis en tant que qu'animateur. C'est sûr. c'est un fait maintenant. Oui, c'est un fait qui est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Donc, on va en apprendre des choses. Je vais commencer avec quelque chose que toi et moi aimons. J'imagine que t'aimes ça parce que tout le monde aime ça. Quoi? Il y a personne qui aime pas les Timbits. Ah, oh, c'est hein? bon. C'est la meilleure affaire au monde. Je savais pas du tout que le bit dans le mot Timbit est un acronyme. Ça veut dire ça? C'est l'acronyme de Big in Taste, qui était la moitié du slogan de la campagne originale en 1976, Big in Taste, Small in Size. Donc, beaucoup de goût, mais tout petit en grosseur. Hein? C'est aussi, évidemment, un jeu de mots avec Tidbit, qui est un petit morceau. C'est hot! C'est cool, hein? Qui aurait su? C'est cool. On parlait de Facebook tantôt, toi et moi. Mark Zuckerberg, The Social Network, le film, etc., etc. Savais-tu que tu peux pas bloquer Mark Zuckerberg sur Facebook? C'est vrai. Mais c'est pas parce qu'il est prétentieux, comme tu pourrais penser, ou à cause d'une blague des programmeurs du site. Non, non, détrompe-toi. C'est en fait le résultat d'un système interne qui a été mis en place pour empêcher un grand nombre d'utilisateurs de Facebook de tous bloquer la même personne en même temps. Donc, disons que toi, tout le monde se revirait contre toi et là, tout le monde essaierait de te bloquer. Il y a comme un système pour empêcher ça. Et c'est ce qui se passe avec lui. Donc, avec la vague de plaintes par rapport aux changements de Facebook, c'est les changements du texte de vie privée, etc. Je sais pas si tu as suivi ça. Bref, il y a plusieurs utilisateurs qui bloquaient, qui ont voulu bloquer Zuckerberg comme genre de forme de protestation, si on veut, ce qui l'a rendu donc imbloquable par le fait même. Donc, l'ironie du sort fait que tout le monde voulait le bloquer, mais maintenant, plus personne ne peut le bloquer, tu sais. Ça cool. En fait, il y a une campagne qui s'appelle Block Zuck qui avait comme intention de ramasser plein de gens pour bloquer Mark Zuckerberg. Et c'est ceux qui ont appris en premier qu'il était imbloquable finalement. Voilà. Une espèce d'arbre qui est native de Belize, qui contient une toxine vraiment très très forte et son antidote en même temps. Ça s'appelle le Give and Take Tree. C'est un petit peu comme Give and Take, tu sais, les petits pots de sen indépendants où t'en prends un, t'en donnes un, tu sais, un genre d'échange. Bref, la nature, on dit ici, a un sens de l'humour. Hein? Parce que le seul antidote connu du poison que cet arbre-là génère est dans l'arbre lui-même, dans le sirop, le genre de petit truc, comment t'appelles ça? L'affaire qui était toute gluante, ces arbres. Ouais, la cette affaire-là, vous savez de quoi je parle. Bref, voilà pour ça. Les pandas géants n'ont pas le gène nécessaire pour digérer le bambou. Parce qu'on sait tous que les pandas géants ont une diète pas mal qui consiste majoritairement de manger du bambou. À manger du bambou, oui. Donc, la recherche, les chercheurs, si on veut, ont trouvé qu'ils n'étaient pas physiquement capables de digérer cette plante-là. Voilà. Donc, ils ont trouvé des trucs dans le génome de ces pandas-là. Au niveau génétique, les pandas sont, on nous dit, des ours. Donc, les pandas sont vraiment des ours. Ils sont carnivores, mais leur diète est presque complètement constituée d'herbes. Donc, ils sont herbivores, mais malgré le fait qu'ils sont carnivores. Pourquoi? Non, je sais, c'est bizarre. Une des explications qu'on nous donne dans l'article, c'est qu'il y a une mutation dans les gènes des pandas qui ont fait qu'ils ne sont pas capables de goûter la viande. Donc, les animaux, les pandas, sont carnivores, mais peuvent plus goûter la viande à cause d'une mutation génétique. Donc, à la place, ils mangent du bambou, mais ils sont pas capables de digérer, mais ils trouvent ça bon, fait qu'ils mangent pareil. Tu sais? C'est très étrange. Quand même pas bien. Pour les enfants qui sont en Europe et en Amérique latine, la fée des dents est en fait une souris des dents. Étrange, hein? Ben oui. Ça nous dit que ça raconte. J'essaie de traduire un petit peu ici. Ça parle d'un conte du 18e siècle où il y avait des souris dans ce conte-là. Et puis, cette souris-là se cachait sous les oreillers et puis enlevait les dents des gens en leur en frappant sur les dents. Donc, la souris enlevait ta dent. J'aime mieux la fée des dents parce qu'elle les enlève pas. Elle nous donne de l'argent en échange et quand ils tombent. Mm-hmm. On nous dit que lorsqu'on la vire sur le côté, la carte des Amériques, bon, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique, quoi, centrale, c'est ça, centrale? Ouais. Centrale? Si tu vires ça sur le côté, ça a l'air d'un canard. Allez voir l'article, il y a une photo. C'est vrai? Un dessin, pas une photo. Ouais. J'essaie d'imaginer dans ma tête. Mm-hmm. Christopher Bishop de Ridge Manor en Floride était en train de vérifier l'huile, une fuite d'huile sous son camion qui était en neutre, en mode neutre, alors que le moteur était toujours en marche. Soudainement, son bulldog tassi est sauté dans le véhicule, a appuyé sur reverse et puis il a pilé son maître. Donc un homme a déjà, s'est déjà fait piler dessus par son maître. L'homme s'est déjà fait par son chien. Piler dessus par son chien. Ouais. Le contraire, là. Bref, voilà. Mais il est pas mort, j'ai des blessures. Si tu quittes Tokyo par avion à 7h du matin, tu vas arriver à Honolulu à 19h45 le jour d'avant. Attends, répète. Si tu pars à 7h du matin de Tokyo, 7h du matin, le matin, ouais. Tu vas arriver à Honolulu à Hawaï à 19h45 le jour d'avant. C'est cool. Ben oui. À cause d'une question de zone horaire, là, Honolulu est à 19h derrière Tokyo. Donc, si on soustrait 7h45 minutes de vol entre les deux villes, ça nous donne une différence de 11h15. Donc, t'atterris à Hawaï plus de 11h avant que t'aies quitté le Japon. Étrange, hein? C'est étrange. Cool. Savais-tu que les ongles humains peuvent pousser jusqu'à 4 fois plus vite que ceux des orteils? Pourquoi? Ben oui. Ça prend aux ongles d'orteils. Oui, hein? Tu vois la photo de la fille, hein? Ouais. Ça prend aux ongles entre 3 et 6 mois pour repousser complètement, alors que ça prend aux ongles d'orteil entre 12 et 18 mois. Le taux de poussée, si on veut, hein, est basé sur la longueur de l'os du doigt qui est le plus à l'extérieur de ton membre. Donc, ça veut dire que les ongles poussent plus vite. C'est difficile à comprendre. Donc, les ongles poussent plus vite que ceux des pieds. Et ça pousse plus vite sur l'index que sur le petit doigt. Dans le fond, là, tout ouais. pousse plus vite quand c'est plus long. Ah! Ton index pousse plus vite que ton petit doigt. Tes Mais doigts. Ton majeur, lui. Ben, ça doit être lui qui pousse le plus vite. Tu penses? Oui, parce que c'est lui qui a le plus long torse. Ah! Le plus long torse de doigt. Os. Os, ok. J'ai entendu torse de doigt. Non. OK, bon. Rapide, il nous en reste quelques-uns pour cette période-ci. Donc, ça prend... on nous dit qu'une journée est plus longue qu'une année sur Vénus. Donc, sur Vénus, une journée est plus longue qu'un an. Ça prend 225 jours terrestres ou 7 et 1 cinquième de mois pour que Vénus fasse un orbite complet autour du Soleil. Donc, une année vénusienne, si on veut. Par contre, ça prend 243 jours terrestres pour que Vénus tourne sur sa propre axe. Donc, c'est la définition d'une journée. Donc, une année sur Vénus égale 225 jours sur la Terre et une journée sur Vénus équivaut à 243 jours sur la Terre. Compliqué à comprendre. Aïe, je sais. On va en faire un dernier. Comment? Une journée Vénus, c'est plus qu'une année Vénus. Ah, ben vu de même, hein? Vu de même. Ça marche pas. Non. On va terminer avec un petit fait sur Kesha. Tu connais la chanteuse Kesha? J'espérais tellement que tu allais parler de celui-là parce que je regarde la liste. Là, puis, Elle est longue, hein? Moi, je sais. Donc, Kesha n'a pas été payée ni créditée pour son succès qu'il a fait découvrir. En fait, c'est elle qui fait la voix dans la chanson de Flo Rida, tu sais, Right Round. Là. Ouais. Bon, je ne chanterai pas. Donc, elle est sortie en 2008, cette chanson-là, et elle a toujours le record pour le nombre de ventes numériques à l'intérieur d'une seule semaine. Donc, en une seule semaine, des téléchargements numériques, c'est le record. Bon. Elle n'a pas été compensée pour ça, mais par contre, ça l'a fait découvrir, et maintenant, elle s'est rendue une vedette. Bon. On garde une autre partie de fait. En rafale tout à l'heure, des faits beaucoup plus courts dans la deuxième ronde de C'est un fait. Mais pour l'instant, on s'en va en musique et là, j'ai envie de te faire un petit quiz rapide. Je vais y aller au hasard un petit peu. Je vais choisir celle-là. Tiens, celle-là. Je vais faire jouer une pièce et tu vas me dire c'est la chanson thème de quelle chronique à l'intérieur d'Assemblage Rocky. Sur une période d'un an, parce qu'on a commencé au mois d'août 2009. Et puis, il y a eu pas mal de collègues qui sont venus et qui sont partis. Donc, tu dois me dire, après la pièce, qu'est-ce que c'est ça? Je vais me sentir mal. Ouais, c'est de même. Je te donnerai un indice après. Ouais. OK. C'est un assemblage requis. Le début est solennel, pompeux, royal. Le début est solennel. Bonjour. Royal. Le début est solennel. Bonjour. Royal. entendre Maxime Robin avec la pièce Le Royal Break. Et avant la pièce, j'ai demandé à Stéphanie de deviner, c'était la chanson thème de quelle chronique d'Assemblage requis? C'était une chronique politique, mais je me rappelais plus c'était qui la faisait par contre. C'était François Landry et ce sera François Landry à partir du mardi 7 septembre, dans la semaine du mardi 7 septembre, parce qu'il va revenir avec sa chronique politique. On est très, très heureux de le revoir. Donc, soyez à l'écoute pour la nouvelle émission d'Assemblage requis, la nouvelle émission du matin. On n'en parle pas tout de suite parce que Stéphanie est encore là. Oui. Bon, c'est la fin de la deuxième heure d'Assemblage requis, mais il y en a une troisième tantôt. Qu'est-ce qui nous attend, Stéphanie? Il y a les spectacles qui s'en viennent cette semaine. Il y a Kiwan qui va être là aussi. Oui, et il y a la deuxième partie de cet orfait. Alors, restez avec nous pour la troisième heure d'Assemblage requis. C'est fou ça. Musicien. 80. C'est la troisième heure de l'émission estivale en pièces détachées. Mon nom est toujours Mathieu Plante. Et mon nom est toujours Stéphanie Gagné, étonnamment. Étonnamment, moi je me surprends à chaque fois. tout à l'heure, il va y avoir la deuxième ronde de C'est un fait, la chronique sur les choses véridiques, véritables et vérifiables. Mais avant ça, on va se prendre une petite pause musicale. Pourquoi pas? On va entendre du We Are Wolves. Oui, on va aller écouter la pièce La rue oblique. Oh, 89.1 FM, c'est fou. Dans vos oreilles. Oh, wesh. Cliché. Dans vos oreilles. We'll be right back. C'était We Are Wolves avec la pièce La Rue Oblique à Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. C'est sur leur album Invisible Violence. Et c'est le temps pour la deuxième partie de Secteur Fait. Ben, demander comme ça, c'est pas de refus. Faut pas. Donc, deuxième partie de choses véridiques, véritables et vérifiables, avec des faits un petit peu plus en rafale, à part pour le premier. Parce que je trouve que le premier mérite un petit peu d'explication. Tu connais les attaches pain? Pain du pain. Oui. Bread. Hein? Bon. Donc, les petites attaches ont des couleurs différentes. Les couleurs indiquent la journée de la livraison, nous dit-on sur les internets. Par exemple, disons que votre épicerie pourrait avoir une attache, disons, bleue pour le lundi, vert pour le mardi, etc., etc. Évidemment, l'ordre des couleurs dépend des magasins, donc ça varie. C'est juste pour eux, pour savoir, pour leur équipe, pour savoir quand jeter les pains. Ah, mais ça aurait été cool que ce soit partout pareil. Comme ça, on sait quand on va à l'épicerie quelle fraîcheur qu'on veut. C'est un très, très bon point. Point. Ils disent que dans l'article, ils ne gardent pas le pain sur les tablettes pendant plus de 2 jours. Donc, normalement, ce qu'on va voir, c'est 2 sortes de couleurs à chaque fois. S'il y en a 3, c'est qu'il y en a un qui est plus vieux que les autres. Fait que prenez-le pas. Hein? Bon, voilà qu'on sait plus de choses maintenant. Savais-tu que dans les Simpsons, le comic book guy, le gars qui vend des bandes dessinées, a un nom? Non. Non. C'est Jeff Albertson. Dans la version pièce de théâtre du Magicien d'Oz dans le bon vieux temps, le compagnon fidèle de Dorothée, c'est Toto, était remplacé par une vache qui s'appelait Imogène. Ça fait vraiment pas le... Non, c'est pas la même chose. C'est bizarre. Tu te demandes sûrement pourquoi la gomme ballon est rose. Pourquoi, Mathieu? Pourquoi? Ben, ça donne que lors de l'invention de la gomme, le rose était le seul colorant alimentaire qu'ils avaient sous la main. Eh ben. Savais-tu que 75 000 oursaux en plus sont laissés dans des chambres d'hôtel par année par les petits-enfants? Ça me brise le cœur. Mais oui, mais pourquoi les parents, ils font pas le ménage? C'est tellement triste. Ah, vraiment. 75 000? Ça fait 75 000 enfants tristes par année. Et 75 000 enfants heureux quand ils redistribuent ça, j'imagine, à des œuvres charitables. Non, ils doivent les vendre. Ils doivent les vendre. C'est dans la boutique de chaque hôtel, t'as des petits oursaux en plus. Ouais, en dans la boutique souvenir, dans le fond, là, c'est pas leur toutou, c'est des toutous oubliés. Ah, ça, c'est pas un fait, par contre. Marvel Comics a déjà eu le copyright pour le mot zombie. Le mot zombie leur appartenait. Si quelqu'un d'autre voulait utiliser le mot zombie, il fallait qu'il paye l'argent à Marvel Comics. On sait tous que les gens parlent des fois pendant la nuit, pendant leur rêve, ils parlent. Et bien, les gens qui utilisent la langue des signes, tu sais, ben eux, ils font des signes dans leur rêve parce qu'ils sont tellement habitués, c'est comme leur façon de parler. Fait que naturellement, pendant leur rêve, il y en a qui font des signes. C'est vraiment drôle. C'est vraiment super, le fun. J'aimerais ça voir ça. Oui, moi aussi. Tu connais les mitaines? Tu utilises des mitaines des fois? Oui. Pas ton chat, là. Non. C'est un chat qui s'appelle Mitaine. Tout le monde a un chat qui s'appelle Mitaine. Non, il s'appelle Jérémy. Ah, OK. Originalité, j'aime ça. Donc, les mitaines existaient dans la préhistoire. Par contre, le gant avec des doigts qui s'articulent individuellement, ça date de la Grèce ancienne. On les a vus, ces gants-là, donc les gants avec des doigts, dans certaines traductions de Homer's Odyssey. Quand même, c'est vieux. Très, très vieux. Les films cotés G pour général font plus d'argent que les autres cotes de films, même si seulement 4% des films qui sont faits à Hollywood comportent la cote G pour général. Donc 4% des films à Hollywood sont cotés G et c'est eux qui font plus d'argent que n'importe quelle autre cote, par exemple 18 ans et plus, Parental Guidance ou whatever. 4%, c'est vraiment pas gros. Vraiment pas? J'en viens pas. Ben oui, mais la plupart des films, même pour public plus jeune, sont PG, donc il faut être accompagné d'un parent. Amerigo Vespucci, tu le connais, celui que les historiens disent que c'est lui qui a donné son nom à l'Amérique. Amerigo Vespucci, hey, c'était un marchand de cornichons italiens. Et là, ça ne dit pas si c'est un marchand italien de cornichons en général ou un marchand de cornichons italiens. C'est ça. Ça dit Italian Pickle Merchant. J'imagine que c'est un marchand de pickles et qui était lui-même australien. Italien, ouais. Ouais. Pas australien. OK, il nous en reste que quelques-uns. Là, on est vraiment proche de la fin. Les flamants roses peuvent reconnaître leurs propres enfants par leurs cris ou leurs pleurs, même dans de très, très grandes colonies de 30 000 oiseaux. Si, mettons, il y a 30 000 flamants roses, un parent flamand va être capable de reconnaître son enfant. C'est cute, hein? Ouais. Parlant de flamants roses, son lait est rouge, complètement rouge. Et, c'est bizarre. C'est étrange. Et le père et la mère flamands peuvent produire du lait rouge. C'est tellement louche. Il y a seulement 2 types d'oiseaux qui nourrissent leurs enfants avec du lait, d'ailleurs. Un est le flamand et l'autre est le pigeon. Mm-hmm. Ouais. Et 2 derniers faits pour terminer sur Google. Tiens, si tu tapes Google Gravity, sur Google, évidemment, et que tu cliques sur I'm Feeling Lucky ou J'ai de la chance, la page au complet va perdre sa gravité. Vous allez pouvoir jouer avec les affaires. Donc, va sur Google, tape Google Gravity, et là, le logo va tomber, plein d'affaires, tu vas pouvoir les tasser, faire ce que tu veux avec. C'est cool. Et dernier, si tu cherches Elgoog sur Google, donc tu tapes Google à l'envers sur google.com, hein, et que tu cliques encore une fois sur J'ai de la chance, ça va vous amener à un site web de Google qui est complètement à l'envers. Une version à l'envers, donc du populaire engin de recherche, va arriver directement. Le site a été créé pour le plaisir au début, mais est devenu utile en Chine après que Google a été banni là-bas. Donc, vous pouvez aller taper sur Google, taper Elgoog, cliquer sur J'ai la chance. J'aime ça. C'est vraiment super. OK, voilà. Faut que j'aille essayer le Elgoog maintenant. Ouais, une chose à la fois. Hein. On peut pas te faire en même temps. C'est tout pour la chronique. C'est un fait. D'autres choses véridiques, véritables et vérifiables la semaine prochaine, comme toujours, parce que j'aime ça vous apprendre des affaires pendant beaucoup trop longtemps, mais moi, je trouve ça intéressant. Ça. Allez, c'est le moment. T'es-tu à l'envers ou sur le gravité? Je suis à l'envers, mais je trouve ça triste qu'il n'y ait pas le logo Google. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment pareil. C'est supposé, c'est supposé. Mais non, moi, c'est tout écrit en petite écriture plate, là. Ah ben, c'est plate. Hein? Mais j'ai bien aimé le Google Gravity, par exemple. Bref, c'est ça qui est ça. C'est un fait, ça. Puis après, c'est comme une période de calme. C'est comme le calme après la tempête, là. Comme une rafale de fait. Puis là, après ça, à un moment donné, on arrête de mettre un fond, on arrête de parler, on va même pas en musique, on fait juste rien parce que c'est trop d'informations en même temps. C'est des choses qui arrivent. Pas d'accord avec moi? Bon, tout à fait. Tu veux vraiment l'entendre la musique? Oui. Comme tu veux. Parce que moi, puis les silences, là, non, pas vraiment. Je trouve plate. Pas. T'es plate. Je sais. Hey, on devrait faire l'émission à l'envers. Pendant 3 heures. Oui, ça serait super le fun. Non. Non, t'aurais dû faire ça avec Iwan pendant qu'il était encore là. Tout comme votre émission qui se répétait et se répétait et se répétait. Si je me rappelle bien, la date, c'était l'émission du 2 février. Donc, ça vous tente d'aller écouter ça à un moment donné à temps perdu. Et je sais que vous avez du temps perdu. Du temps à perdre parce que vous êtes en train d'écouter l'Assemblage Rocky. On s'entend là-dessus. Ok, c'est ça. On va l'entendre. People in Planes. C'est le troisième lecteur dans lequel je l'essaie puis il veut pas marcher. Ton ah! Bon, ben on va peut-être pas aller entendre People in Planes, on sait pas. Peut-être que voir. Le lecteur va pas vouloir. Je sais pas. On va voir. Ça tente pas. Ça marche pas partout. Ah! Triste! J'aurais aimé ça que quelqu'un puisse s'appeler puis dire « Ben moi, je vais entendre ça. » Comme ça, j'aurais pas eu besoin de choisir autre chose. Des demandes spéciales ridicules, voyons donc, à la radio. J'avais tellement le goût d'entendre People in Planes en plus. Tout bad. Puis je l'avais déjà écrit en plus. Ah ben ça par exemple, c'est inacceptable que tu fasses ça à l'avance. Et on raye ça et on va écouter The Shins. Hey, 3 minutes de silence quand même, pas pire. Yeah. Assemblage requis sur C'est fou. Yeah, I'm a red car. Get on the Flood, People in Plains, c'est sur leur album Beyond the Horizon. Et moi, j'arrête pas de mourir. C'est quoi, tu joues à Pac-Man? Oui! Franche, on a une émission de radio, là. Je suis très bonne au Pac-Man d'habitude, fait que là, je suis vraiment triste parce que j'arrête pas de perdre. Puis je suis comme experte à ça. Stéphanie, tantôt, elle aimait bien gros le El Goog dans ma chronique, c'est un fait. Fait que là, c'est, il rappelait Pac-Man. Fait que google.com/Pac-Man si vous voulez jouer avec elle en ce moment puis pas écouter le reste de l'émission. Mais je vous le conseille. On vous le conseille pas. Non. Continuez à écouter. Ouais, on va parler de langue. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment bien parler de langue. Et d'ailleurs, un petit peu plus tôt cette semaine, j'ai parlé avec Marianne Durand, qui est directrice générale des dictionnaires Le Robert. Elle est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en littérature française, diplômée de l'Institut supérieur de commerce. Elle a notamment été directeur ou directrice de la gestion des maisons d'édition Borda et Nathan. Et puis, ben, on a parlé de dictionnaires ensemble. Combien de temps prenez-vous pour concevoir une nouvelle édition? On travaille toute l'année pour concevoir la nouvelle édition. Vous savez, c'est un travail récurrent chez nous. Donc, le Petit Robert a été créé il y a plus de 40 ans. Et toute l'année, l'équipe travaille sur l'intégration des mots nouveaux, les mises à jour et le choix de ce qui va être intégré dans la future édition qui paraît tous les ans pour être sur les tablettes pour la rentrée scolaire. Vous parliez de l'équipe qui travaille sur le dictionnaire. Il y a combien de gens environ qui travaillent sur le Petit Robert à chaque année? À la rédaction du Robert, nous sommes une quinzaine de personnes. Alors, ils ne travaillent pas que sur le Petit Robert, hein, bien évidemment. Il y a tous les dictionnaires qui sont concernés et notre tout nouveau Dixel. Mais ces services sont en priorité sur la langue française et donc ils scrutent les évolutions de la langue sur l'ensemble de la francophonie et ils regardent quelles sont les réalités qui ont changé et qui permettent de créer des nouveaux mots. Vous savez qu'il y a beaucoup de découvertes scientifiques et chaque fois qu'il y a une nouvelle découverte, il faut la nommer. Donc cela crée de nouveaux mots ou de nouveaux sens à des mots qui sont très connus. Par exemple, vecteur, aujourd'hui on peut parler de vecteur de clonage ou le terme adjuvant, on parle d'adjuvant d'un vaccin. Il en est de même pour les technologies. Chaque invention, chaque nouvelle technologie doit être nommée et donc il y a des mots nouveaux. Et puis, il y a des préoccupations dans nos sociétés qui se font jour. On porte une grande attention à l'environnement, par exemple. Et donc, il y a beaucoup de termes qui deviennent de plus en plus fréquents, comme l'autopartage, la maison bioclimatique, par exemple, ou la notion de chimie verte. Donc, notre service de documentation voit que ces termes deviennent de plus en plus fréquents et comme la mission du dictionnaire c'est de permettre la communication, nous nous devons de définir les termes que les personnes vont rencontrer dans la presse, en ouvrant la télé ou simplement en discutant avec des amis. Donc la fréquence fait que ces mots sont intégrés dans le dictionnaire. Est-ce que vous enlevez des mots des fois? On enlève assez peu de mots, c'est un phénomène très très rare, on enlève assez peu de mots du Petit Robert. Alors pourquoi? Parce que le Petit Robert, c'est, vous savez, c'est la référence en langue française et bien évidemment, on est censé définir ces nouvelles réalités, ces mots un peu nouveaux, mais avec un Petit Robert, on doit pouvoir lire des textes qui datent de 50 ans, 100, 200 ans, avec des mots qui peut-être aujourd'hui ont disparu ou ne sont plus du tout utilisés, mais nous devons garder la définition dans le dictionnaire. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle orthographe qu'on propose au Québec? Elle a une visée qui est de simplifier l'enseignement de l'orthographe. Mais vous savez, ça n'est pas une réforme très nouvelle. Des réformes de l'orthographe, il y en a et il y en a eu énormément. Donc, notre but, c'est d'arriver à ce que les gens s'y reconnaissent. Et donc, il y a des éléments qui sont aujourd'hui recommandés dans la nouvelle orthographe qui sont totalement passés dans les mœurs et qui sont donc intégrés dans le dictionnaire. Il y en a d'autres sur lesquels la majorité de la population ne se reconnaît pas encore. Par exemple, la disparition de l'accent circonflexe. Et c'est vrai que on ne fait pas disparaître les accents circonflexes dans le dictionnaire. En revanche, il y a une annexe qui permet de dire, effectivement, tel mot peut être touché par la nouvelle orthographe et si vous voulez l'écrire ainsi, normalement, il n'y a pas de faute. La suite de l'entrevue avec Marianne Durand, directrice générale des dictionnaires Robert. Juste après cette pièce de The Kills, voici Alphabet Pony. Sur C'est fou. 89 FM. like a nice new home. Needs a mean straight dog. Yeah, easy alphabet pony. Oh, easy alphabet pony. Easy alphabet pony. Easy alphabet pony. But we go up, down, up, down, up, down. Town again, we like to walk and talk. Don't stop and fall into the quicksand. Sharp teeth, dry heat. Can't breathe too many sins. And don't forget my cigarettes and get something else. Écoutez toujours Assemblage Requis, on vient d'entendre The Kills avec Alphabet Pony et on va continuer avec la deuxième partie de l'entrevue. Comment est-ce que vous qualifiez le petit Robert par rapport aux autres dictionnaires? Le petit Robert a un statut tout à fait particulier hein, par rapport aux autres dictionnaires, c'est que c'est un pur dictionnaire de langue. Il n'y a que des mots de la langue, pas de nom propre, pas d'illustration, que des mots de la langue, mais toute la langue. Et donc, c'est la référence en matière de langue française. D'abord parce qu'il y a beaucoup de mots, 60 000, que tous les sens sont très développés. Je vous parlais de mots historiques, mais aussi de sens historiques qui ne sont pas forcément encore en usage, mais qui peuvent être rencontrés dans des textes, parce qu'il y a systématiquement mention de l'étymologie, c'est-à-dire de l'origine du mot, d'où il vient, comment il a évolué, quelle est son histoire. Et puis aussi parce que à chaque sens est proposé un exemple d'emploi pour montrer effectivement comment ce sens-là peut s'insérer dans une phrase et que beaucoup de ces exemples d'emploi, nous, on a choisi d'aller les chercher dans l'écrit, dans la littérature le plus souvent. Et donc, il y a beaucoup de citations d'auteurs connus pour la plupart qui viennent illustrer l'usage des mots et l'usage de certains sens de mots, en tout plus de 26 000 citations dans le dictionnaire. Vous avez parlé des autres dictionnaires de la famille Robert. Est-ce que vous pouvez faire un petit survol rapide des différentes éditions? Il y a beaucoup de dictionnaires dans la famille Robert, même si on connaît beaucoup le petit Robert. D'abord, il y a toute une gamme qui s'appelle le Robert et Collins, hein, qui est une gamme de dictionnaires bilingues. Qui est faite en association avec Collins. Ça a semblé tout à fait important au fondateur de la maison Le Robert, il y a 30 ans, de prendre cet accord avec un éditeur anglophone, de manière à ne pas faire un dictionnaire bilingue qui soit du simple point de vue d'un locuteur qui parle la langue française. Donc, notre dictionnaire, il est particulièrement sérieux en termes de bilingue, puisqu'il est fait à la fois par des locuteurs de langue française et des locuteurs anglophones. Et puis, la grande nouveauté, c'est un tout jeune dictionnaire puisqu'il a 2 ans, donc il en est à sa deuxième édition, c'est Dixelles 2011, qui est un dictionnaire familial illustré, donc qui parle à la fois de langue française, mais aussi de noms propres, sur lequel il y a plus de 5000 illustrations, et qui est un dictionnaire totalement contemporain. C'est un dictionnaire familial, donc il peut être utilisé par les grands-parents, les parents, les enfants, à partir de 10 ans. Et d'ailleurs, il est approuvé par le ministère de l'Éducation ici au Québec à partir de cet âge-là. Et c'est un dictionnaire contemporain, c'est-à-dire qu'il traite des problématiques, d'un point de vue encyclopédique, sont des problématiques contemporaines, l'écologie, il y a un article sur les OGM, on a entré cette année un article sur les réfugiés climatiques, et c'est un dictionnaire qui est hybride, c'est-à-dire que toutes les personnes qui achètent le dictionnaire papier se voient offrir 4 ans d'accès gratuit au dictionnaire, au Dixel sur Internet, avec donc toutes les mises à jour que l'on fait très régulièrement, chaque fois qu'on doit en faire parce qu'il y a un événement de par le monde, avec des fonctionnalités propres à Internet et aussi des suppléments. Parce que vous savez, le dictionnaire papier, il ne peut pas grossir indéfiniment, et donc de temps en temps on a besoin d'avoir plus d'informations, d'aller plus loin. Bien, dans ce cas-là, c'est disponible sur le site Dixel. Pour ajouter autant de mots dans un dictionnaire et conserver l'apparence de la même dimension, plus ou moins, il n'y a pas l'air, en tout cas visuellement, de grossir tant que ça. Comment est-ce que vous faites pour pour faire entrer tout ça sans trop grossir le dictionnaire? Alors, on a beaucoup travaillé sur le papier. Les papiers des dictionnaires sont des papiers un petit peu particuliers. Hein. C'est pas des papiers qu'on fait fabriquer spécialement, parce que c'est des papiers qui doivent être à la fois très fins, avec le maximum d'opacité malgré tout. Et on a beaucoup travaillé aussi sur la typographie, la forme des lettres. Vous savez que selon le choix qu'on peut en faire, et ça ce sont des graphistes qui travaillent là-dessus, selon le choix de la typographie qu'on peut faire, ça tient plus ou moins de place, c'est plus ou moins lisible. Donc on a choisi une typographie spéciale pour le dictionnaire qui soit à la fois qui réponde aux deux critères, le moins de place possible et le plus lisible possible. Ben c'est parfait, vous faites du très très bon travail là-dessus, vous et votre équipe. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous. En passant, c'était mon entrevue avec Marianne Durand, directrice générale des dictionnaires Le Robert. Oui, ça a l'air super fin de rembarquer par-dessus. Qui est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en littérature française, diplômée de l'Institut supérieur de commerce. Elle a notamment été directeur de la gestion des maisons d'édition Bordas et Nathan. Voilà pour l'entrevue. Tout à l'heure, on va voir qui voit en studio, mais pour l'instant, voici nos amis de OK Go et la pièce Louisiana Land au 89 FM. Miss Antoinette, she went out with a song, selling booze and silver shoes and singing right along. A shotgun and a limousine and a baby doll far drawn. Miss Antoinette, she went out with a song, and it's the long way down. Yeah, it's the long way down. Down at the Maple Leaf OK, go avec Louisiana Land. On revient juste après la pause avec les sorties spectacles et Kiwan sur la route, mais pas sur la route. À Assemblage Rookie. Assemblage Rookie pour toi aujourd'hui. C'est fou, c'est comme faire une course avec un nain. Nain, t'es sûr de gagner. 89. Vous écoutez Assemblage Rookie avec Mathieu Plante à C'est fou 89. 1. C'est fou, c'est comme faire une course avec un nain. T'es sûr de gagner. Ouais. On dirait qu'à chaque fois que j'arrive dans votre émission, c'est cet ID-là qui joue. C'est drôle. À chaque fois. Puis là, je suis comme toujours le goût de faire la même blague. C'est comme faire une course avec un nain ou Mathieu Plante. Là. Ouais. Merci, bon. Kiwan. Bye. Bonjour, Mathieu. Salut, ça va? Oui. Oui. Kiwan qui est sur la route d'habitude. Ben, en fait, d'habitude, une fois sur trois, je pense, à date. Sur quatre. En tout cas. Mais là, il est en studio avec nous, Kiwan. Ouais. Salut. On va appeler ça Kiwan dans le pit stop. Ah! Deux œufs bacon, Kiwan. Hein? Bon. Donc, on va te parler tantôt, un petit peu plus bon, en détail. Bon, OK, c'est bon. Pas de suite. On va prendre la marche. On fait les spectacles. Tu peux aller porter mes déchets en même temps. Ah, puis te ramener un café. Puis... Non, j'aime pas le café, mais j'aime encore moins les muffins bio. C'était pas bon. Tu t'acharnes vraiment beaucoup sur les muffins bio aujourd'hui. J'avais le goût d'un bon muffin, OK? Puis il était pas bon. Non. Il était boffin. T'es tellement... Donc, Kiwan, salut. Stéphanie, spectacle. Oui. Le 26, il y a Bravo Funken et Mimi Werner. Van der Glow, je me voyais de parler. Vardreau. Qui vont être au Zenob. C'est ce soir, ça, pour ceux qui écoutent en direct, là. C'est là, là. C'est là, là. Pas en ce moment, mais plus tard ce soir. Bientôt. Puis aussi de là, là, au 29, c'est Trois-Rivières en blues. Il va y avoir une scène principale sur Bado et deux autres secondaires sur Art. 3renblues.com. Le 31 août, il va y avoir Mister Valère dans le coin du Parlement de Québec à l'extérieur. Et le 31 août, même soirée, Auguste qui va être au Gambrinus. Auguste qui s'est rendu en demi-finale des Mardis la relève de la dernière édition. Voilà. Si vous voulez les dates de ces spectacles-là, ils sont aussi sur le site assemblagerequis.com dans les notes de l'émission d'aujourd'hui. Mm-hmm. Kiwan? Oui? Avant de continuer avec toi. Oui. On écoute ça un petit peu de Bravo Funken. Ben oui. Qui vont être en spectacle ce soir, on le rappelle, c'est au Zenob avec Mimi Van Der Glow. Je trouve ça quand même un peu étrange comme mix, il me semble. Sur scène, là, tu sais, l'énergie de Mimi Van Der Glow qui est très rock, qui est très viril et masculin. Ben, je veux pas dire que Bravo Funken est le contraire, mais c'est quand même plus léger un peu Bravo Funken. C'est mou et efféminé. Non, vraiment pas. C'est justement pas ça que je voulais dire. Ah. C'est là où je ne voulais pas en venir, Mathieu. Ah. Mais non, je trouve que c'est un petit peu différent, mais en même temps, il y a de l'énergie au bout là, dans Bravo Funken, donc... Ouais. Je pense que ça va être... C'est au Zénob, hein, c'est ça? C'est bien ça? Oui, au Zénob. Fait que ça va être très intime comme concert. Ouais, ça va être... ça va sentir fort. Ouais. Les concerts au Zénob sont toujours un peu spéciaux. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ta mère, elle va danser. Oh que oui! Ah. On écoute ça. Ta mère va danser de Bravo Funken à Assemblage Rookie. Et après ça, on parle encore de Riot à Assemblage Rookie. secondes de cymbales. c'était Ta mère va danser de Bravo Funk. Bon, c'est dit. Kiwan est toujours avec nous à Assemblage Rocky. Oui, je suis toujours avec vous. Ben oui, t'es habitué à avoir des silences inconfortables, toi. T'aimes ça? Oui, oui. T'en as manqué un gros tantôt. Ben tantôt, j'ai pas eu quelque chose de bien, là. Je vous écoutais en m'en venant, puis... Un bon 3 minutes. Ouais, le 3 minutes d'inconfort, ouais, c'était bien. Une pièce. Avec la pièce qui marchait pas, mais finalement, c'était un DVD. Ouais, c'est ça. Ça on l'avait même pas dit en nom. Non. La DVD. Mais la pire, c'est que ça passe super bien. Puis tu sais, même moi, Mathieu, je te connais. Puis je sais quand tu commences à parler puis à dire rien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. je sais. Sauf que tu m'as vraiment eu au début. Je me disais, OK, ils font juste parler. Ils placotent, tu sais, parlent, jase. Mais non, finalement, je me suis rendu compte que, ouais, il y avait un problème, moi. Ça a commencé comme ça. Je viens de me rendre compte qu'on était en ondes. J'étais comme, moi, je pensais qu'on jasait les trois. Puis j'étais comme, oh shit, je parle dans un micro. Ouais. Tu vois, c'est un autre inconfort, on dirait. Ouais. Mais ça a eu racine dans un j'aimerais ça faire un silence, puis on s'était pas donné de CD pour jouer de la musique avant. Ça a parti de ça, puis après ça c'est devenu quelque chose d'autre. Ça marche pas dans les trois lecteurs, ou soudainement là, c'est un DVD, ou soudainement là, on capote. C'est le fun. Oh, c'était comme un behind the scenes qu'on vient de se faire là. Ben derrière le rideau, en effet. Donc il nous reste peu de temps à l'émission, mais quand même Kiwan est là pour nous parler, pour nous jaser. D'habitude, t'es sur la route, mais là t'es en studio, puis t'as un sujet de discussion pour nous, j'imagine. Ben, pas tant, là. Pas tant, OK. Ben, bye, oui, d'abord. Tu peux parler de ton opinion de Rara Riot, qui est totalement contraire à la mienne. Ouais, oui, j'écoutais tantôt, tu parlais des nouveautés CD de la semaine, qui sont celles qui t'avaient, que t'avais remarqué, c'était La Panthère Rose et Rara Riot. Et c'est moi aussi deux albums que j'ai achetés cette semaine. Et on a vraiment des opinions différentes sur chacun des deux albums. Mais quand même, on a beaucoup aimé The Orchard de Rara Riot. Oui, un album à se procurer. Sauf que moi, je trouve vraiment que cet album-là est dans la continuité de Rumline, de leur premier album. Je trouve que, ben, tu sais, on n'a pas eu la même interprétation. Puis en même temps, c'est personnel aussi, hein, la façon qu'on voit un album. Tu sais, ça ne nous fait pas penser, puis ça évoque pas les mêmes choses pour tout le monde, là, écouter un album. Tu sais. Moi, je l'avais vraiment vu d'une façon très introspective, le premier album de Rumline. C'est un album comme... Je trouvais que c'était un album d'automne qui était froid avec des arrangements. Et je trouve que l'accent était surtout sur les arrangements de cordes. Ça donnait une espèce de ton mélancolique à cet album-là, mais toi, tu l'as pas vu du tout de la même façon. Non, le deuxième, je le vois comme ça, avec les cordes. C'est tellement beau, tellement... Moi, je trouve que l'accent est un... Ben, en tout cas, c'est vraiment personnel comme opinion. Je trouve que l'accent est un petit peu moins mis sur les arrangements de cordes. Puis, je trouve que c'est un petit peu plus pop comme son, mais ça reste quand même très, très, très efficace. C'est de la pop, là. C'est super facile à écouter. Ça donne le goût de vivre. Oui, carrément. Wow. Belle leçon de vie. Puis quelle musique que tu trouves ne donne pas le goût de vivre? Crystal Castles. Ah. Toi, les muffins bio et Crystal Castles, aujourd'hui, tu t'acharnes beaucoup trop, là. Crystal Castles, c'est n'importe quel jour de la semaine. Ah, t'aimes pas Crystal Castles? Non, je peux m'acharner là-dessus très longtemps. Avec un peu d'eau, là, ça passe. Crystal Castles. Non, je pense pas. Avec n'importe quoi, une bouteille, n'importe quoi, non. Pepto Bismol. Ça passerait peut-être mieux. Du X-Lax. Ben, ou un muffin bio, je trouve que ça revient un peu au même. Il y a beaucoup de fibres, hein, tu sais, dans les muffins bio. C'est fibreux et pas spongieux, comme on a appris. Donc. Pas spongieux. Ah, fait que c'est ça. Puis ouais, c'est ça pour l'autre sortie d'album cette semaine. Tu parlais de La Panthère Rose. Ouais, ouais, Kiki. Moi, sérieusement, je me demande pourquoi ils ont sorti cet album-là. Ouais, Kiki. Ben, c'est parce que là, présentement, ils se concentrent vraiment gros sur la France. Fait qu'ils se sont dit, on veut pas les faire attendre au prochain album parce que ça pourrait prendre du temps vu qu'ils se concentrent sur la France. Ils ont leur album qui va sortir bientôt sur une étiquette en France. Alors, ils se sont dit, on va leur donner un petit quelque chose. L'as-tu vu? Il est peine trop bien produit. J'en dirais un vrai CD. Ouais, c'est ça. Puis surtout, il y a eu une espèce de battage médiatique autour de ça. J'ai même lu à quelque part nouvel album, tu sais, le lancement du nouvel album de La Panthère Rose. Mais c'est pas un album, non, là. Non, c'est ça. Là. Ouais, c'est ça. Mais dont un que c'est remix d'un. Ben oui, c'est ça. Puis moi, j'ai vraiment pas aimé le remix en passant, là. Ah, il est cute. Ouais, c'est ça. Ben, je veux dire, j'aimais mieux l'original, mais. Ça fait du bien. Ça fait très été, puis ça fait plus calme. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop d'intérêt, puis il y a comme trop de bruit autour de cet album-là. Puis je comprends qu'ils voulaient pas se faire oublier. Ils voulaient garder l'intérêt autour d'eux, parce que c'est vrai que là, ils se concentrent plus sur la France, puis on en entend moins parler un peu ici. Sauf que, tu sais, ça paraît, quand on écoute cet album-là, ça paraît que moi, je trouve que c'est un peu garoché. Ça manque de finition. Ça manque de définition dans les arrangements. Puis je trouve que ça paraît là qu'ils ont voulu faire 3 pièces pour pas qu'on les oublie, pour nous donner un anan en attendant le prochain album. Mais moi, j'aurais vraiment aimé mieux attendre encore 8 mois, 1 an, puis avoir un vrai album. Puis tu sais, je suis pas en train de dire que j'abandonne la Pâte à Rose puis je les aime plus. La pièce Chocolat, je l'adore, c'est vraiment très très bonne. Sauf que j'aurais attendu encore. Puis je vais attendre à l'album complet, puis je suis sûr que je vais l'aimer, je suis sûr que je vais l'acheter. Mais vraiment, tu sais, je m'en serais passé, je pense, de ça. Moi, je l'aime bien, Nanan. En plus, ça fait comme dissiper un peu l'intérêt, tu sais. Plus tu crées d'attente, plus que le boom est gros quand ça arrive. Donc là, on dirait que ça fait comme dissiper l'effet de l'arrivée de nouveau matériel. Peut-être que quand l'album va sortir, les gens vont être moins allumés que s'ils avaient vraiment attendu un an. Je sais pas. Ah, mais ça moi, fait quelque chose à se mettre sous là-dedans, au moins. C'est vrai. Comme on disait, moi et Mathieu, tantôt, on commence à être tanné d'entendre toutes les mêmes chansons de la Pâte à Rose, pendant que là, ça fait du bien d'avoir une couple d'autres chansons. Mais tu sais, il aurait pu, au lieu de faire un petit album de 3 pièces plus un remix comme ça, faire juste une pièce, ce serait vraiment solide comme Chocolove. Il aurait pu prendre juste Chocolove, puis trouver quelconque compilation de radio étudiante ou de je sais pas quoi pour trouver une place pour la diffuser. Puis les gens, ce serait. Moi, personnellement, je me serais contenté de ça. Ça m'aurait juste assez titillé pour attendre le prochain album. Je trouve que ça, c'est comme trop inutile. Puis surtout, comme tu disais, Mathieu, tu sais, la présentation puis l'emballage, c'est vraiment comme un album complet. Ben, ils ont mis du budget, on dirait. Ouais, vraiment. Ouais, l'album est vraiment très beau, je trouve. Et coûte cher. Beau de. Ah ouais, ça pourrait être 10, hein? 10, 12? 10 $. Ben, ça doit dépendre des endroits, mais moi, je l'ai payé 10 $ aujourd'hui même. Ben, moi, je l'ai acheté sur Internet. C'est 99 cents la pièce. 4 $ contre 10 $. 3,95. Ouais, mais moi, je suis pas capable d'acheter ça sur iTunes. Il faut que je l'aille physique, que j'aille quelque chose t'as de l'art, de regarder, de toucher l'album. Ben, en tout cas, t'as le droit, là, au prix que t'as payé, j'espère. T'es venu de le toucher, toi, c'est toucher en masse, j'espère. Il faut. Ah, liche-le. Bon, donc, beau débat partagé, avis partagé, j'adore ça. Merci, Kiwan. Ben, merci à vous. Pour ta présence. Nous, on va se quitter là-dessus pour cette édition d'Assemblage Requis. On va se retrouver jeudi prochain à 15h pour notre dernière édition estivale en pièces détachées. Stéphanie. Oui, malheureusement, ça va être notre dernière émission. Ben oui. Allez sur Assemblage Requis pour les notes de l'émission et pour télécharger la balado-diffusion. Je remercie Émilie Gauthier pour sa présence, évidemment, pour sa collecte plein air. Je remercie aussi notre invitée, Marianne Durand, directrice générale des dictionnaires Le Robert. Merci à vous d'avoir été là. Merci à Stéphanie, merci à Kiwan. Ça va être La Spirale qui va suivre avec Mathieu Leblanc-Haul à partir de 18h les jeudis. Si vous écoutez le samedi, restez à l'écoute pour La Sécheuse, suivi à 21h du Vestibule. Oui, voilà. Ben merci, Mathieu. Merci à toi. Merci à moi-même, oui, en effet. Bon. Prends le crédit quand on t'en donne, hein, parce qu'à un moment donné, sinon, qui va faire ça, là, créditer? Crédit aujourd'hui, c'est dur à avoir, t'sais. C'est pas comme si t'as envoyé ça par la malle. Du crédit. Non? Ben, non. Moi, je suis pas solvable, donc. T'es pas solvable. Bye. On va se quitter avec une pièce de Rara Riot pour vrai, même. Non, on fait pas ça. On fait ça? Non, pas le temps. Bye. Non, mais d'habitude, si vous avez remarqué, la tradition, c'est j'annonce une pièce, on défonce en masse, je la fais jouer. Ou j'annonce pas la pièce, puis on la fait jouer. Là, à la place, je l'annonce, puis on la fait pas jouer. Ça va faire changement, je trouve. C'est bien. À un moment donné, un petit peu d'innovation là-dedans, ça fera pas mal à personne. Hein? Hein? Tu me disais que ça paraissait quand je pédalais? Un peu. Ça ressemble à ça. Hein? Ouais. Ouais, je me demande qu'est-ce qui se passe présentement, justement. Là. T'as tes écouteurs pour toi? Oui. Ouais. Ça passe à rien. OK. Bye. Bye.